listening to Overdrive on Radio Dio. Again, I'm looking forward for the light. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, le groupe Angra avec son premier album Angels Cry. C'était paru en 1994. Un album qui fête donc ses 30 ans et qui n'a pas pris une ride sur lequel la voix de André Matos fait toujours des miracles. C'était bien sûr Time pour une époque bénie qui a lancé le speed mélodique européen. On continue avec le groupe de hard rock traditionnel de Dean Castronovo. Il s'agit de Revolution Saints qui nous sort son nouvel album sur Frontiers Records. On est dans du hard rock très classique. On retrouve le guitariste qui a joué dans Whitesnake ces dernières années, Joel Orchestra. Et d'ailleurs qui vient d'être recruté par Accept pour assurer la prochaine tournée américaine. On retrouve également le bassiste Jeff Pilson de Dorken et ça donne du pur hard rock, pur et jus. I'm not afraid to Yes, Revolution Saints avec son dernier album pour tous les amateurs de heavy metal, enfin plutôt même hard rock assez classique. The Helicopters nous revient avec la ressortie de l'album paru en 1999, ça s'appelle Grande Rock, pour cet excellent groupe de garage rock, High Octane Rock'n'Roll suédois, avec un excellent titre qui m'a toujours fait marrer, c'était ce morceau qui s'appelle Paul Stanley. Est-ce que c'est un hommage à Paul Stanley de Kiss? Je ne le sais pas vraiment. En tout cas, c'est du superbe, de l'excellentissime rock'n'roll. Et c'est ce qui est le plus important. C'est dans Overdrive Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre le groupe Holy Moon, Only Moon Suite, paru sur le label Frontiers Records. On continue maintenant avec du français et le groupe Rollywood Land, Dark Fate for Judgment Day, ça sort sur le label M&O Music avec No Dog Shit on the Payment, tout de suite dans Overdrive Radio Duo. Voilà, dans Overdrive, ce soir, j'ai la chance d'avoir le groupe Heaves Bite qui viendra nous présenter son nouvel album paru sur M&O Music. Les gars, est-ce que vous nous entendez bien à l'autre bout du fil ? Oui, nickel. Eh ben, parfait, on vous entend bien également. Vous venez un petit peu de Saint-Étienne, on s'était déjà croisés. Il y a quelques années, je me souviens, vous étiez même venu dans les studios et on avait fait une petite séance acoustique. Est-ce que vous vous en souvenez déjà ? Ah oui, c'était en 2017, je crois, on a sorti notre deuxième EP, Holy Water. Ouais, ouais, ça devait être quelque chose comme ça. En tout cas, c'était vraiment un chouette souvenir. Et après, un peu dommage qu'on n'ait pas pu rééditer ça ce soir. Même si, alors, bien entendu, c'est pas vraiment de votre faute puisque vous n'êtes plus tous, il me semble, sur la région. Néanmoins, en fait, ça a changé un peu le line-up entre temps, entre le moment où on était venu en 2017 et puis. Et puis pour le boulot et tout, enfin moi j'avais dû déménager aussi, donc pour le moment je vis en Ardèche, donc c'était un peu compliqué pour venir ce soir quoi, sur Saint-Galmier. Alors on est sur Saint-Étienne là, hein, au niveau des studios de la radio. En tout cas, ce que l'on retrouve pour ceux qui ne connaîtraient pas Yves Bite, c'est du pur heavy metal, hard rock même on pourrait dire, avec une grosse connotation 80s et un son assez moderne. On pense bien entendu à tous les grands classiques et même à des formations un peu plus récentes comme Airborne, notamment sur les voix qui sont assez les voix criées qui sont assez perçantes que l'on retrouve dans votre musique et qui font parfois penser aux intonations d'un Joel O'Keefe. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu développer sur ce nouvel album? Niveau des voix, moi je sais qu'elle elle a changé hein, avec le temps aussi. Et moi, je suis un grand fan de Skid Row, de la première heure. Ouais. Aussi, bien inspiré par Sébastien Bach. Sébastien Bach, ouais. Et puis, il y a leur nouveau chanteur aussi, Eric Grunewald, là, qui est. Qui est vraiment très bon, ouais. Ouais, et lui, en fait, moi, je l'ai connu quand il jouait dans Hit à l'époque, là, son ancien groupe. Ouais, excellent. Et j'ai trouvé que ce gars-là, il avait vraiment. Pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs de hard heavy du moment, quoi. Franchement, il est. Enfin, les deux m'inspirent beaucoup, moi en tout cas, au niveau de la voix. Et puis voilà, après, tu t'inspires de ça pour après trouver un peu ta propre voix pour chanter, quoi. Ouais. Alors, il me semble que nouvel album complet, puisque là vous aviez fait des EP jusqu'à présent, et là on a vraiment un vrai album avec 12 titres, quasiment une heure, même plus d'une heure de musique. Donc à une époque où on a de plus en plus de groupes qui sortent des EP, des formats courts, et qui permettent des sorties régulières, là vous avez vraiment voulu faire le plat de résistance costaud avec un gros menu, on pourrait dire. C'était une envie de se faire plaisir, ou peut-être que depuis quelques années, vous aviez emmagasiné pas mal de compos? Un peu tout ce que tu as dit. Il y avait, en fait, on avait déjà sorti deux EP à l'époque où tout le monde sortait des albums, du coup. Et en fait, cet album devait sortir quand même vachement plus tôt. Par exemple, il y a des titres comme Shits on the Radio Fire Disaster aussi, qui sont des compos qui sont composés depuis un sacré moment, en fait, depuis 2018, je crois, pour une des deux. Et l'album, avant que le line-up original, qui doivent partir, on devait sortir cet album incessamment sous peu après la sortie du deuxième EP. Et bon, avec la vie fait que, on a changé de line-up, il y a eu le Covid, et puis on a dit enfin un album, ça marquera un renouveau aussi un peu pour le groupe et le line-up actuel. Quoi. Alors si on fait le point un petit peu par rapport à 2017, au niveau des membres de Yves Bite, il reste que donc toi, Olive, à la guitare et au chant, et Tony qui est également à la deuxième guitare, c'est ça? C'est ça. Et depuis 2019, début 2020, il y a Laurent Descours là qui nous a rejoint à la batterie. Il était batteur jusqu'à il y a trois mois. Ouais. Il joue dans Evolution aussi, donc c'est le batteur d'Evolution. Et il y a un mois de ça, il est passé bassiste, du coup, parce que le bassiste qu'on avait, on a dû il est parti. On a récupéré Megan Chavot à la batterie, qui lui a travaillé avec Fire Wizard, XXL et Trauma. D'accord. Donc une certaine expérience en la matière également. Ouais. Du coup, là, tu penses que le line-up s'est stabilisé pour de bon et que vous êtes prêt à prendre la route, faire des concerts et des nouvelles compos? Déjà, là, on a des compos, pour nos futurs albums, on aimerait faire un autre album. Il y a, moi j'ai déjà fait 3-4 compos là déjà. Voilà, c'est à l'état de maquette hein, pour le moment, mais voilà. Et puis niveau line-up, je pense que vraiment on a trouvé le bon. Vraiment, on est tous bien copains. Ben, tu vois, il y a le côté humain aussi qui est important dans un groupe, et là on est vraiment 4 à aller sur la même être sur la même longueur d'onde, voilà, vouloir que le projet avance. Oui, surtout que vous avez fait du home studio pour ce premier album, la Blast in Hell. Ouais, bah c'est Laurent Descours, du coup, le batteur devenu bassiste, du coup, qui s'est lancé un petit peu là-dedans, qui a fait son home studio. Et du coup, c'est lui qui a produit, mixé, masterisé l'album. Et je trouve qu'il y a un très bon résultat pour quelque chose, je dirais, en guillemets amateur, quelqu'un qui fait ça chez lui, je trouve que on est vraiment content du son qu'il y a, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu faire avant. Ouais, ça sonne en tout cas super propre, super, super carré également. Et puis on entend vraiment tous les instruments distinctement. Ben oui. Donc, vous avez également développé un petit peu les vidéos ces derniers temps, notamment avec Rock Fever, qu'on va diffuser dans quelques instants. Est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur le concept de la vidéo, qui est un petit peu marrant, également sur l'endroit où est-ce que ça a été tourné, et qui est-ce qui a réalisé cette vidéo? Tu veux parler un peu, Laurent? Alors, pour le concept, je te laisserai en parler. Ouais. Et par contre, du coup, la vidéo, elle a été tournée donc, à Playpop, à la Tour en Jarret. Qui faisait des concerts avant, il a bien voulu nous louer la salle. C'est là où on répétait, effectivement. Après, concernant le concept, je vais peut-être laisser Olivier répondre pour le coup. Alors, ça commence comme un morceau de funk. Moi, j'ai fait écouter X-Bite à quelques copains à moi. Et en fait, qui connaissaient pas le groupe, ils nous disaient « Ah, mais c'est un groupe de funk, machin. » Et au bout d'une minute trente, ils se sont rendus compte que c'était pas le vrai groupe. Eh ben non. C'est con, hein. Non, mais... Ouais, en fait, le concept, il part que... Quand j'ai envoyé la maquette à Laurent, la batterie m'a dit « Putain, elle a un truc qui est vachement funky dans le refrain. » Et c'est une version hard rock et tout, hein. Donc on s'est dit « Bah, pourquoi on... » Pourquoi on passerait pas, on pousserait pas le concept un petit peu plus loin et puis on ferait un truc rigolo. Et puis on s'est dit, bah tiens, si on faisait carrément le refrain de la chanson, mais version funk en fait, c'est au même tempo, sur la même tonalité, on a gardé les accords et tout, on les a juste travaillé un peu, on l'a vraiment enregistré nous-mêmes aussi, chez nous. Et puis on a voulu faire un petit peu ce côté funky qu'on trouvait à la chanson, le pousser un peu à l'extrême dans la vidéo, et on s'est déguisé comme des gros couillons et on s'est bien marré en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu le on pourrait dire le combat comme Twisted Sister le faisait à la fin des années 70 entre les métalleux et le disco à l'époque là? Est-ce que ce serait le combat entre le hard rock, le metal et le funk ici? Non, on s'en fout de ça, parce qu'au contraire c'est des, enfin moi personnellement je vais adorer écouter du Michael Jackson, je vais adorer écouter de la funk, de la soul noire américaine. Puis je pense pas être le seul, quoi. Donc c'est plutôt, je dirais, une des autres influences, voilà, qu'on a voulu un petit peu mettre en lumière, puis un peu faire un truc un peu marrant. C'est souvent qu'on voit des clips, c'est toujours sérieux et tout. Et puis là, on s'est dit, allez, on va faire un truc un peu où on déconne un peu, quoi. C'est à l'image de ce qu'on est aussi. Hein. Oui, oui, oui. Et surtout qu'en plus, on a sur ce clip-là, on a une très bonne réalisation avec une super qualité d'image qui rend vraiment, vraiment super bien. Ouais, donc ça, c'est notre copain Abel, qui joue dans le groupe Excite. C'est un groupe de hard rock glam basé en Haute-Savoie. On joue d'ailleurs la semaine prochaine avec eux à Lyon. À Lyon. Et c'est lui qui fait des clips aussi, lui. Donc on s'est dit, bon, on va faire travailler les copains en priorité, et puis c'est ce qu'on a fait. Et justement, alors, est-ce que tu peux détailler cette date à Lyon, ou est-ce que ce sera la semaine prochaine? Alors, c'est exactement à Saint-Symphorien-d'Ozon, et chez Over 18 Motors. Et c'est le 17 février, le samedi, et il y a donc Excite qui joue avec nous. Il y a nous qui jouons aussi, ça c'est cool. et puis il y a des copains de Marseille dont on a fait la connaissance sur les réseaux sociaux qui sont super cool. Blackbeard aussi qui ont fait la première partie de Blaze Bellet, qui tourne quand même pas mal sur Marseille. Eh ben écoute, ce sera avec plaisir que on ira vous applaudir. Yves Byte, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Over 18 du côté de Saint-Symphorien-d'Ozon, c'est assez facile d'y accéder depuis les voies rapides. Il y a de la place pour se garer, et le lieu est franchement gagnerait à être un peu plus connu du public, hein, puisqu'on y retrouve une programmation qui est très basée sur le hard rock. Donc, à mon sens, c'est un lieu qui gagne à être connu. En tout cas, on s'envoie tout de suite Rock Fever, extrait de l'album Blessed in Hell par Yves Byte, qui vient de voir le jour sur MNO Music. We'll be right back. extrait de l'album Blessed in Hell par Yves Byte, c'était Rock Fever. Donc Olive, est-ce que, et puis Olive et puis Laurent bien sûr, est-ce que vous nous entendez toujours à l'autre bout du fil? Ouais, Mégane aussi, il entend. Ok, et bien entendu, vous avez joué du côté du Rock and Eat de Lyon, c'était au mois de novembre, pour le Reliever. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette date et puis comment ça s'est déroulé et si vous avez bien sûr envie de retourner au Rock and Eat dans les prochains, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oh ben oui, carrément. On aime bien là-bas parce que le... Bah, le son, il est cool déjà. Pedro, il fait un bon son sur scène, ça rend bien en façade. Ouais, t'as été bien accueilli. Y a toujours du public qui vient au concert. Ils ont vraiment leur clientèle là-bas. Donc, une très bonne condition, ça se prend pas la tête. Et puis j'aimerais bien y jouer aussi, parce que c'est vrai que Mégane, qui est fraîchement arrivé dans le groupe, il nous a vu jouer, du coup, et là, ça permettrait de bah, qui passe de l'autre côté, voilà, qui jouerait là sur la scène avec nous, et ça serait super cool aussi, quoi, cette idée. Donc, Et donc la scène, le prochain concert à l'Over 18, ça devrait être le baptême du feu pour votre nouveau batteur, Mégane, c'est ça? Oui, c'est ça, tout premier, ouais. Exactement, ouais, c'est le premier. Ah ben, ça devrait en tout cas bien se passer, puisque tu as quand même une certaine expérience dans le milieu. Bah, j'espère que ça se passera bien, en tout cas on travaille pour ça. On fait la dernière répète avant le concert demain. Mais oui, sinon je te botte le cul. Ah, tu vois, il y a la pression. Que... Non, mais oui, ça va le faire. Puis le bisoutage, je t'explique même pas. Ça se dit pas à l'antenne. En tout cas, maintenant que vous avez un album de 12 titres complets, est-ce que vous avez orienté votre set sur que des morceaux récents, ou est-ce que vous allez reprendre et peut-être retravailler, réarranger des titres plus anciens? Et bah, sur la setlist, on doit avoir un morceau de chaque EP, et tout le reste, du coup, c'est des nouveaux titres. Sachant que Waking for the Night était sur le premier EP, et qu'on l'a réenregistré, réarrangé pour le remettre sur l'album. C'est un titre qu'on a toujours joué et qu'on continuera de jouer. Ouais, ça c'est... Non, mais après, c'est vrai qu'on a pas mal de groupes qui ont débuté par des EP et qui les ont ensuite inclus dans une nouvelle version sur un album définitif, un petit peu, parce qu'ils avaient le sentiment que lorsque un morceau n'apparaît pas sur un album complet, il n'existe pas vraiment. Et puis qu'ils étaient peut-être en version un peu moins aboutie, presque de démo sur un EP. Est-ce que c'était la même chose pour ce morceau, Waiting for the Night, qui conclut ici votre album? Ouais, ben, en fait, il est moins arrangé sur notre EP. Après, le son était différent, hein, forcément, du mix et du master. Mais... c'était, ouais, on s'est dit que l'idée était cool de le réenregistrer avec entre guillemets notre niveau d'aujourd'hui, c'est-à-dire que, enfin, je dis ma voix, elle a changé entre 2015 et maintenant. Voilà, je chante plus de la même façon. Il y a des idées d'arrangement qui me sont venues à l'esprit aussi. Voilà, et puis on s'est dit, ça serait quand même cool de faire passer un morceau quand même qui est assez... que ceux qui nous connaissent depuis un moment, ils connaissent un peu le morceau maintenant. Et on s'est dit, le remettre un peu au goût du jour et montrer un petit peu qu'on l'a retravaillé, voir, pour montrer un petit peu comment le groupe a évolué aussi à travers un morceau. Et puis peut-être l'apport des nouveaux membres également sur les anciennes compositions. Oui, non, mais carrément, hein, c'était vraiment un travail collectif, hein, tout ça, donc... Et justement, alors, au niveau de la composition, comment est-ce que ça marche? Est-ce que tu es le compositeur principal, tu apportes des idées qui sont ensuite retravaillées tous ensemble, ou est-ce que ça part plus de jam en salle de répète? Ah non, ouais, c'est un peu plus comme la première idée que tu as dit. Enfin, moi, je compose pas mal chez moi. J'enregistre, après j'envoie une maquette quand même assez... c'est abouti. Après, chacun vient mettre vient apporter quand même sa patte et ses parties. Et puis il y a des choses aussi moi en tant que quand je compose auxquelles j'aurais pas pensé. Puis chacun vient apporter sa patte en fait, et c'est comme ça que les morceaux se construisent, quoi. Ok, justement, est-ce que la période de confinement a été une période où tu as pu prendre un peu de temps pour essayer de développer des morceaux, tester des choses nouvelles, essayer également d'aller plus loin sur certaines idées, ou alors est-ce que l'album était composé intégralement avant les confinements ? Alors non, le confinement, j'avais, que je disais tout à l'heure, en l'occurrence Waiting for the Night, qui est un vieux morceau, mais on ne pensait pas l'inclure dans l'album au début. Il y avait Sheets on the Radio qui était composé d'avant, et Fire Disaster aussi. Après, tout le reste, pendant le confinement, je sais que j'ai composé Tires on Fire, Kill the Heat. Puis après, je crois que c'est à peu près tout. Les autres compos sont venus un peu plus tard quand même. Enfin, ouais, tout le reste, ça s'est fait après en un an, je pense, un truc comme ça. Et ouais, il y a quand même quelques idées. Pendant le confinement, ça faisait un peu chier aussi de se dire qu'on n'était plus que 2 sur 4 dans le groupe. On a failli l'arrêter aussi avec Anthony, hein, parce qu'on se disait ça sert plus à rien, machin. On a cherché des membres, c'est vrai qu'on est tombé sur Laurent pile au bon moment, on pensait arrêter. Et puis après, on a enchaîné quelques bassistes là, et du coup, là, c'est vrai qu'on est content de pas avoir arrêté et de se dire que le projet, il est là. On a sorti un album, alors que c'était mal barré. Et puis tout ça avec des membres qui deviennent en plus des amis. Je veux dire, c'est quand même une belle revanche sur le fait de quasi avoir failli arrêter, quoi. Bah c'est sûr, maintenant tout ce qu'on espère c'est vous voir vous produire un peu partout, bien entendu dans la région, également vous exporter et faire vivre cet album comme il se doit. Ouais, on l'espère aussi, et puis après, je vais faire la petite annonce, mais s'il y a des organisateurs qui nous écoutent ce soir, ou des gars, personne à qui notre musique plaise, n'hésitez pas, on ne mord pas, hein. On a une adresse mail, il n'y a rien de plus simple que de nous contacter, et on sera ravis de venir... défendre des couleurs stéphanoises un petit peu dans la région. Et puis, lyonnaise aussi, attention. Ouais, lyonnaise aussi. Ah, c'est français. T'inquiète pas. Mais voilà, défendre un petit peu le hard rock du coin. Après, voilà. Donc, s'il y en a qui veulent, on est dispo. On pourrait rappeler comment vous contacter. J'imagine que vous êtes disponible sur les réseaux, notamment Instagram, Facebook également. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Eve's Bite, tout simplement, c'est la morsure d'Eve. Attention au mauvais jeu de mots, pour ceux qui ne parleraient pas anglais. la morsure d'Eve, donc Eve's, E-V-E, apostrophe S, B-I-T-E, voilà, disponible sur Instagram, sur Facebook, etc. Et puis également les clips qui sont super bien réalisés, notamment celui de Rock Fever. Est-ce que vous avez d'autres projets justement de vidéos, de choses comme ça, pour mettre en avant un autre morceau de l'album qui vient de sortir ? Ah ouais, on est en train de bosser sur une version acoustique de Tires on Fire, donc qui est en cours de mixage même, par notre ami Laurent. Et du coup, super quoi, enfin, franchement ça change le morceau, mais tu reconnais le morceau, mais c'est en acoustique, ça lui donne quand même une autre dimension. Donc on va essayer de le mettre en vidéo aussi, un truc sobre, hein, on n'a pas encore l'idée. Et peut-être aussi clipper Inside Your Devil Eyes ou Die for the Beast, on ne sait pas, peut-être ça serait cool, quoi. Ouais. Et puis justement, cette idée d'acoustique, est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez faire sur scène, par exemple, sur une espèce d'interlude pour changer un petit peu la dynamique d'un concert ? C'est casse-gueule quand même, mais... Mais ouais, on était plus parti pour faire vraiment, tu sais, des fois il y a des établissements qui peuvent pas forcément recevoir en électrique avec rien qu'au niveau du batterie, bruit et tout, ouais. Ça, mais peut-être aussi développer un petit peu, travailler l'album, hein, c'est en acoustique, quoi, carrément. Pour pouvoir jouer un peu plus facilement également. Ouais. Et dans plus d'endroits. Ouais, puis je dirais que c'est... Enfin, moi, je parle vraiment en tant qu'au niveau du chant, tu vas pas du tout chanter de la même façon en acoustique qu'en électrique. Et tu sais, c'est pas mal aussi de varier un petit peu les plaisirs, quoi. C'est vraiment deux choses différentes. On se rend pas trop compte si on chante pas, mais c'est vraiment. C'est plus dans en acoustique, tu vas être un peu plus dans l'émotion, la retenue, alors qu'en électrique, dans notre style à nous, tu vas devoir essayer d'envoyer. Tu vois, c'est pas du tout la même approche, quoi. En tout cas, moi, je garde un très bon souvenir de 2017. Tu vois, je me rappelais même plus l'année. J'essayais d'y réfléchir tout à l'heure de votre venue dans les studios et puis en acoustique. Ça c'était super bien déroulé et j'avais trouvé ça également assez spontané. Ouais, comme ouais, façon mais... de faire. Et à l'occasion. On peut se caler ça, en plus on pourra écouter. Ouais, une fois où ce sera, on aura peut-être un peu plus de temps de préparation, puisque ça demande quand même un certain travail. Voilà, on va diffuser maintenant un deuxième extrait de cet album Blessed in Hell avec Die for the Beast. Donc, comment se compare ce morceau par rapport au premier Rock Fever qu'on avait écouté un peu plus tôt? Là, on est dans un truc qui botte des fesses, tu vois, avec un guest de notre copain Paul de Evolution qui est venu prêter sa voix sur le deuxième couplet et sur le deuxième refrain. Et ouais, on a voulu faire un petit peu, tu vois, ça parle de la bête, tu vois, notre cover d'album, c'est une porte des enfers, on sait pas trop ce qu'il y a derrière et tout, donc c'est l'album qui fait un petit peu référence à la pochette, le morceau qui fait référence à la pochette de l'album. Ouais. Eh ben, je vous propose d'écouter ça tout de suite. En tout cas, je vous remercie pour le coup de fil ce soir. On rappelle la date de l'Over 18, ce sera le samedi 17 mars prochain, la semaine prochaine. Saint-Symphorien d'Ozon, si vous n'êtes jamais allé dans cette salle, ben, allez-y, vous verrez. Depuis Saint-Étienne, on n'a pas besoin de se taper le centre de Lyon ou des Bouchons ou des choses comme ça. La route est dégagée, il y a de la place pour se garer, de la bonne bière. Donc c'est vraiment agréable comme endroit. Et on a également une très bonne programmation pour tous les amateurs de hard rock et de heavy metal un peu traditionnel. Donc on vous retrouve accompagné d'un groupe de Marseille. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom? Donc c'est Black Beer et Excite de Haute-Savoie. Donc et Excite de Haute-Savoie, exactement. Et c'est bien le samedi 17 février, hein, pas mars. Ah pardon, oui, excuse-moi. Je pensais à la Saint-Patrick, tu vois. Bonne fête aussi. Ouais. Ouais, oui, samedi 17 février. Donc on envoie tout de suite extrait de cet album Blessed in Hell par Yves Byte. Ce sera Die for the Beast. We'll be right back. Voilà, on remercie encore une Yves Byte pour la fantastique interview ce soir dans Overdrive Radio Duo. On continue maintenant avec le groupe Samael. Samael en concert, ce sera Passage Live pour son album phare des années 90 qui est enregistré ici en intégralité. Ça sort sur le label Napalm Records pour Samael, ce sera Jupiterian Vibe. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre Moonshot pour ce groupe avec Shadow Boxer. Voilà, dans Overdrive, Radio Dio, on va passer à quelque chose de beaucoup plus progressif. Maintenant avec Vipassi qui nous a sorti cet album Lightless sur Season of Mist pour les amateurs de prog moderne, instrumental. Également, vous écoutez toujours Overdrive. Il est passé de 22h, passé de 34 minutes. Thank you. Voilà pour Vip ainsi avec Labyrinthine X, extrait de cet album Lightless pour les amateurs de prog instrumental moderne. 20 Seconds Falling Man nous sort cet album Résilience. On a ici une musique à la fois lourde et lourde en son et en atmosphère, qui emprunte autant d'éléments au metal qu'au hardcore. Donc on pourrait, qu'à la noise, on pourrait qualifier leur musique de post-core. Voilà, ce sera Shadows of the Past par 20 Seconds Falling Man. Tout de suite, vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Tower of, Tower of, Tower of. Et on enchaîne tout de suite avec Panzer Christ. Yeah. Voilà, Overdrive, c'est terminé pour ce soir. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo. On remercie encore une fois Yves Byte pour l'interview. Jetez-vous sur leur album Best in Hell paru sur MNO Music. Et on se quitte au son de Romuvorce qui nous sort cet album sur le label Hammer Heart. Et on s'envoie le morceau Sun and the Morning Star. Voilà, je dis à la semaine prochaine. On rappelle www.radiodio.org, www.mixcloud.com et puis le www.facebook.com/overdrive-radiodio. Merci, ciao.